Les films traitant de Formule 1 sont assez rares pour pouvoir les compter sur les doigts d'une main, à condition d'avoir assez de doigts et de savoir compter. J'ai souvent parlé de Rush, de Ron Howard, qui nous plonge au cœur de la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda, lors de la saison 76. Ce film est le parfait équilibre entre conte historique et fiction classique, au point qu'un profane serait incapable de deviner que le film s'inspire de faits réels, Lauda et Hunt étant écrits et incarnés avec suffisamment de justesse pour plaire aux passionnés, et suffisamment de simplicité pour en faire des personnages à part entière crédibles dans cet univers. Je parle aussi souvent de Weekend of a Champion de Roman Popolanski, qui offre une réalisation exceptionnelle par un réalisateur aussi reconnu pour son talent que pour son intérêt particulier pour les écoles primaires. Ah non, ça j'ai confondu, c'est les youtubeurs. A l'inverse de Rush, comme la majorité des films sur la Formule 1, on est plus proche du documentaire que de l'œuvre de fiction. Mais à la vue de l'actualité, il est impossible de ne pas vous parler aujourd'hui d'un film de pure fiction, avec des personnages charismatiques incarnés par des stars hollywoodiennes et un réalisateur reconnu derrière la caméra. L'intrigue nous plonge dans l'univers impitoyable de la Formule 1, entre dangers omniprésents et rivalité entre pilotes de générations différentes, le tout s'appuyant sur un partenariat étroit avec le monde de la course et des figures clés du paddock qui apportent un réalisme nécessaire et même l'implication d'un champion du monde internationalement reconnu pour crédibiliser la production du film. De quoi éviter le piège d'un énième nanar de sport auto. Je parle bien sûr du film Grand Prix de John Frankenheimer sorti en 1966. Il est vrai que j'avais un jour consacré une émission sur les films de Formule 1 et j'avais pas encore vu le film Grand Prix à cette époque, donc je vais lui dédier un épisode particulier puisque pourquoi pas ? Le film nous plonge au cœur d'un championnat âprement disputé entre quatre pilotes talentueux mélangeant politique et intrigue amoureuse. Le film commence par une séquence d'anthologie où Pete Arone, interprété par le célèbre James Garner, victime d'une panne, cause indirectement la sortie de piste de son coéquipier Scott Stoddard. Suite à cela, Garner est évincé de son équipe, l'équipe fictive Jordan BRM, et consolide sa réputation d'américain certes rapide, mais trop dangereux pour être conservé et regardé par les grandes équipes. Son coéquipier, Scott, un prometteur prodige, survit mais au prix de graves blessures et ne pardonne pas à Garner, dirigeant sa colère vers sa volonté de revenir en piste. L'autre tête d'affiche du film est le pilote Ferrari, Jean-Pierre Sarti, incarné par le légendaire Yves Montand. Sarti est double champion du monde et proche de la retraite, mais il a vu tant de catastrophes qu'il en est devenu cynique et autodestructeur au point de tromper son épouse avec une journaliste. Seule chose qui lui donne encore un semblant d'amour pour le sport. Pour ne rien arranger, Ferrari ne croit plus vraiment en lui et commence à placer ses espoirs en Nino Barlini, un jeune Italien mélangeant arrogance et fougue avec suffisamment d'insouciance pour être attachant et charismatique. Ancien pilote moto, Barlini est librement inspiré du parcours atypique de John Surtees, champion du monde moto avant d'être sacré avec Ferrari en Formule 1 en 64. Désormais sans volant, Garner est contacté par Yamura, équipe fictive japonaise librement inspirée de Honda qui débute en Formule 1 et accepte de finir la saison avec eux. Il y découvre les méthodes de travail très rigoureuses de Iso Yamura pour parvenir à défendre ses chances de titre. Encore en convalescence, Scott Stoddard sombre dans une rage hystérique à voir son bourreau revenir en course et je vous jure qu'à tout moment je m'attendais à le voir se foutre en l'air. Croyez-moi, je l'aurais compris, parce que oui, il faut préciser que Scott est une énorme victime. Quelques heures après son accident presque fatal, sa femme lui annonce qu'elle le quitte car elle refuse l'idée qu'il revienne à la course après cela, pendant qu'il est inconscient. Alors qu'il est de retour chez lui, à jurer qu'il fera tout pour reconquérir son amour, il la voit à la télévision, prétendre qu'elle lui parle encore régulièrement et qu'elle est encore en très bons termes, et puis elle se met à flirter avec Pete, que Scott déteste au plus profond de son âme. Oui, il y a effectivement des mots plutôt sexistes pour décrire ce type de comportement. Mais on va rester un petit peu YouTube-friendly. En plus de cela, Scott se hâte à revenir en course pour battre Arone et reconquérir son épouse, parce que oui, il se persuade qu'il doit la récupérer. Il a rien compris, le pauvre. t'es mauvais. Sarty, quant à lui, est toujours pris dans sa relation d'amour-haine viscérale vis-à-vis du sport, mais s'obstine à continuer, tant pour faire mentir Ferrari et prouver qu'il est toujours meilleur que le jeune Barlini, et aussi pour continuer à vivre l'idylle de son adultère, alors que sa femme le supplie d'arrêter la course, un sujet que toutes les épouses de l'époque ont abordé en boucle avec leur mari, ajoutant ainsi de l'attention et une touche de réalisme palpable. If you have a wish free, Nina, wenn du einen Wunsch frei hättest. That you would stop racing. Dass du mit dem Rennfahren aufhörst. Ah, c'est tellement mignon. Sarty, Aaron, Barlini, Stoddard, qui gagnera le titre ? Pour le plus grand plaisir des passionnés, entre les Yves Montand et James Garner qui incarnent donc des pilotes, ou Françoise Hardy qui devient la petite amie de Barlini, on retrouve les vrais pilotes, et ils ne font pas que de la figuration. Le double champion du monde, détenteur de l'honorifique triple couronne, Graham Hill, interprète le rôle de Bob Turner, un pilote qui a quelques répliques dans le film, et oh bordel, il est d'un naturel formidable. On n'est pas sur l'Oscar du meilleur acteur, mais quand on sait à quel point embaucher des stars pour jouer leur propre rôle peut tourner au désastre, ça mérite d'être souligné. Phil Hill, qui n'a aucun lien de parenté avec Graham Hill, champion du monde 1961 et triple vainqueur des 24 heures du Mans, fait aussi quelques apparitions convaincantes. On a même le droit aussi à un caméo légendaire de Juan Manuel Fangio qui sort de nulle part, et je vais être honnête avec toi, il est possible que cette scène m'a fait pousser quelques petits cris de pucelle similaires aux adolescentes devant un concert des Beatles. Et pour pousser le réalisme, les personnages du film portaient les mêmes casques que les pilotes titulaires en Formule 1. Aaron portait le même casque que celui de Chris Amon, Stoddard avait le cultissime casque de Jackie Stewart, et après je suis pas sûr d'avoir reconnu ceux de Barlini et Sarty, même si je trouve une ressemblance avec le casque de John Surtees. Enfin, Bruce McLaren, qui venait d'enregistrer son équipe en F1, a conclu un accord pour peindre sa livrée aux couleurs de la fausse équipe Yamura, ce pourquoi la première McLaren de l'histoire de la Formule 1 n'est pas orange, mais blanche et verte. Deux belles couleurs si tu veux mon avis. On va pas se mentir, l'histoire ne porte rien de révolutionnaire et se précipite dans chaque couloir scénaristique qu'on voit se dessiner à des kilomètres. Mais si ce film a eu un tel succès critique, c'est pas juste car les standards cinématographiques de l'époque étaient moins élevés qu'aujourd'hui ? Ou l'était-il vraiment ? Mais aussi car le film a été tourné en parallèle de la saison 66 et c'est là toute la valeur ajoutée qu'il propose. Convaincre les Européens de laisser débarquer une armée hollywoodienne sur les circuits n'était pas donné, mais Frankenheimer a eu le soutien de pilotes comme Dan Gurney, vainqueur en Grand Prix et le champion du monde Phil Hill, pour aider à la production. Hill a lui-même participé au tournage des séquences de course en pilotant les voitures de sport qui filmaient les Formule 1. Pour le reste des séquences de course fictives et les caméras embarquées, des Formule 3 ont été modifiées et habillées pour ressembler à des F1 sans mettre en danger les vrais monoplaces engagés en championnat, et aussi parce qu'il y a un moment, les acteurs restent des acteurs et on va pas leur demander de piloter des F1. La production arrive à inclure des figures clés du paddock à différents moments, et on a même le droit à une scène de réunion du GPDA avec entre autres les champions du monde Graham Hill, Denny Hulme et Jochen Rindt, scène d'une tragique naïveté puisque dans ce plan, Rindt, McLaren, Schleser et Seifert perdront la vie en course dans les 4 ans qui suivent la sortie du film. Le film a une production particulière car elle dépend énormément du déroulement du championnat et même des diverses autorisations de filmer. Par exemple, Ferrari avait catégoriquement fermé ses portes au film, mais après que le réalisateur a monté en urgence une partie de ce qu'il avait tourné après la manche d'ouverture à Monaco, Maranello lui a ouvert en grand ses portes et permis de filmer des images rares. On a quelques séquences légendaires de courses comme à Monaco, Zandvoort, Brands Hatch, Spa-Francorchamps ou encore sur l'anneau de Monza. Plus de 3000 figurants sont recrutés pour un tournage d'envergure sur le circuit de Clermont-Ferrand à Charades en France. Et le film a littéralement dû louer la plupart des caméras 65 mm de Panavision existantes à l'époque pour un budget total de 9 millions de dollars. Et pour vous placer le budget, un grand film comme le Lauréat de 1967 avec une BO de Simon & Garfunkel, je le précise juste comme ça, a coûté 3 millions. Et le cultissime 2001, l'Odyssée de l'espace, avait un budget de 10 millions de dollars. Et si on se base sur l'inflation, son budget reviendrait aujourd'hui à 88 millions de dollars. À titre de comparaison, Rush en a coûté 38 et le film Le Mans 66 en a coûté 97 millions. Considérant que Grand Prix allait être un film de niche, c'est un sacré pari pour les producteurs et qui a payé puisque le film a récolté deux fois sa mise avec 20 millions de recettes et a été le 7e plus gros succès aux USA, remportant des Oscars pour les meilleurs effets sonores, meilleur montage et meilleur mixage, et Frankenheimer a même été nommé dans la catégorie des meilleurs réalisateurs. Je tiens à ajouter que le film a été nommé pour meilleur mixage, hein, en regardant le film vous serez très content d'avoir votre télécommande à côté de vous, parce que les séquences de dialogue sont extrêmement basses et les séquences de course, on va dire, sont au niveau réel en termes d'effets sonores. C'est plutôt cruel de faire ça à une époque où la télécommande... Tiens, en quelle année a été créée la télécommande ? Ah non, apparemment c'est 1956 d'après Google. Alors peut-être que le scénario du film n'a pas très bien vieilli et que certains effets de montage comme des split screens peuvent sembler clichés, la richesse des plans embarqués et la beauté du film plairont à n'importe quel cinéphile, et en tant que fan de sport automobile, de Formule 1 et de son histoire, il faut se dépêcher de regarder cette pépite. Car à moins d'être très vieux, il est déjà assez regrettable de ne pas avoir pu le voir en salle lors de sa sortie. C'est pas tous les jours que Hollywood s'intéresse à la Formule 1. Allez, bisous. C'est trop tard, je suis désolé. Je suis désolé pour vous, cher auditeur, mais là, il y a une idée de merde qui vient de m'apparaître dans la tête. Donc sachez que si dans les prochaines semaines, sur Formule Blabla, vous voyez une vidéo qui s'appelle « Le meilleur film F1 », avec une image du film. Sachez que ça va parler exclusivement du film Grand Prix de 1966.